Je connais dans une boîte de Soho une nommée Pamela Popo, une de ces petites nanas dont la peau est plus noire qu'un conte d'Edgar Allan Poe. Pamela Popo. Sur une musique de rococo, cette petite Pamela Popo a mis au point de ses numéros de striptease à vous faire froid dans le dos. Pamela Popo. D'abord un maillot de corps sur lequel est marqué Pamela Popo en lettres d'or. Et sans un mot, elle esquisse le slow. Pamela Popo. Après quoi Lolo à l'air, Pamela Popo se met à soupirer. Pamela Popo. Enfin, on tamise les projets. Oui. Baisse sa culotte, petit négro. Je me... Attendez. Je me demandais tout en faisant des... si j'avais arrêté la sono. Sous Pamela. Nous sommes en direct de la guerre. C'est beau, la guerre. Dans ma tête. On se tire des jets d'eau. Pas des fusils à neutrons et des guillotines à tête enflée. Des guillotines à tête enflée, oui. On n'en parle pas de ça! Quand c'est la guerre, ça doit faire peur. Si t'as pas peur, c'est pas la guerre. Comme disait Rambo. Comment il disait ça? Bonjour, public! Bonjour, c'est KRL 89.1 à Québec. Salut à Miami. À Miami, non, on n'est pas à Miami, on est à Québec. On n'aime pas ça, le soleil. Nous, on, oui, on, sous le soleil exactement, mais au Québec, à Québec, dans toute la francophonie, mais pas à Miami. Miami 5-0, moi, là, là. Oh, trop de zéro. Pamela, et puis, sinon, moi, écoutez, je me sens en pleine forme. En pleine forme. Je suis une boule d'énergie. Quand la boule d'énergie vous dit bonjour, j'espère que la flamme se rend à vos oreilles au troisième degré. Ça fait mal, hein? Et ce soir, je reçois un rock'n'roller! Rock'n'roller! Le vrai, l'unique Axel Bauer! Hey, là, on parle pas de petite musique pop, là. On parle de gros rock avec des paroles intelligentes et intéressantes. Aujourd'hui, ça nous manque. Où es-tu, Alain Vachon? Où es-tu, Serge Gainsbourg? Où es-tu, Daniel Dark? Où es-tu, mon ami? Il y a là-bas, mon ami Axel Red, qui attend qu'on lui donne la lumière et le micro. Aujourd'hui et la semaine prochaine, il fera chaud à l'antenne de cette station de radio. Car mon ami Axel a accepté enfin de nous rencontrer pour nous, Québécois, amoureux de la chanson française. Et lorsqu'enfin j'étais devant lui, je me suis senti devant un artiste, oui, un rocker, oui, le rocker que je suis depuis tant d'années. Oui, non, c'est arrêté. Non, c'est improvisé, monsieur, je peux pas répéter. Non, faut écouter la bobine. Rebobine la bobine. On a notre technicien qu'on paye pas. On a plus les moyens et on va voir des artistes là-bas. Là. Oh, monsieur de monsieur, les moyens financiers sont bas actuellement. On ouvre, et ça, c'est vrai. Arrête le micro. Ah non, arrête pas le micro, arrête l'écho. Je me trompe, micro-écho, mais c'est bon, hein? Oui, je sais, j'ai le nez embarrassé, excusez-moi. Il faudrait pas que je fasse ça, c'est malencontreux au niveau sonore. Mais là, dans quelques semaines, sort de ce corps. J'inaugurerai mon studio audio qui s'appellera le studio des abbesses. Parce que la majorité de mes rencontres se font à Paris, plus précisément dans le quartier de Pigalle, à l'endroit où on retrouve une rue qui s'appelle la rue des abbesses. Il y a plein de petits bars, des artistes. Et j'ai rencontré, j'en ai parlé dans quelques émissions, Claude Lelouch, qui a fait un film avec Johnny Hallyday, et la belle Sandrine Bonner. De Piala, l'ami de... Enfin, moi, pour moi, Sandrine, c'est Piala. À nos amours, à nos maîtresses. Ensuite, elle a fait un film extraordinaire avec Gérard Depardieu, plusieurs, là, mais un, entre autres, avec Piala, qui s'appelle « Sous le soleil de Satan ». Et à Cannes, vous vous souvenez, hein, pour les néophytes, tremblez, s'il vous plaît, et demandez au micro... Hey, moi, j'étais là à Cannes. Moi, j'avais la petite cacane, hein. L'émission, j'avais pas. On n'a jamais les moyens financiers. On paye l'alcool, la boisson à nos artistes, hein. C'est Rénal Gagné qui paye tout ça, lui, qui a un petit salaire de crefin, qui gagne sa vie à lécher les planchers de toute la ville de Québec. Et qui veut amener l'amour de la francophonie partout aux touristes qui veulent rien savoir du français. Si vous venez au Québec, parlez français, sinon speaking singling rock. Non, c'est pas là. Oui, je sais que si le chapeau te fait, mais le non, mais le chapeau me saute actuellement là. Mais c'est régulier dans mon émission. Si ça saute pas, c'est pas bon. si ça saute pas, c'est pas bon. Pas si ça tousse pas. Quoique, faut dire qu'actuellement, là, j'ai un double foyer dans la gorge. Puis j'ai demandé à ma recherchiste de m'acheter des pastilles. Des pastilles. Que se passe-t-il ou sont mes pastilles? Elle m'a dit, mon beau rénal. Quand t'as dit ça, là, ça veut dire qu'elle les a pas. Parce que mon beau rénal, là, change tes lunettes. Ouvre la chevillette, puis enlève le gras, ma chère. J'ai écrit, on change de couche. Madame Tran, on vous change de couche ce soir, là. Vous êtes chanceuse, là, la semaine prochaine, là, ça ira pas avant 3 semaines. Oui. Mais vous allez savoir, ça sent la poupoudre. La poupoudre de Limoilou. Ah, mon doux, la poupoudre. Oui, la coque. C'est ça, la coquelicot. Sniffez pas votre couche, madame, vous risquez d'être en forme de... Hey, vous voulez... Madame Tremblay, restez tranquille. Alors, on change de couche. Et nous tombons, c'est le cas de le dire, devant mes textes absurdes qui viendront révéler le début de l'émission, parce que c'est pas encore commencé, là, Errance Renadienne. Il y a eu le générique, on s'est trompé, la pitoune est partie. Je veux dire, pas mon ancienne copine, là. Oui, Lise Payette, je sais. Non, je ne réduis pas la femme à son... Non, Madame Payette, je vous aime. Je suis un féministe, moi. Je suis un féministe. Je prends la cause des Noirs. Je prends la cause des femmes. Je prends la cause des homosexuels. Je prends la cause des opprimés. Et je ne suis ni femme, ni homosexuel, ni noir. Et c'est pas parce que tu n'es pas que tu ne peux pas prendre parole et lever le doigt en disant excusez-moi, où sont les toilettes? Ouais, mais c'est parce que j'ai bu de l'eau énergisée. Hein? Je vais trouver les toilettes, je vais vous le dire après, parce que là, on dirait que mon cerveau descend dans ma vessie. Merci beaucoup. C'est la troisième porte à droite. Ça demande des clés, quelque chose, une ceinture de sécurité. Non. Est-ce qu'on peut me conduire? Y a quelqu'un qui, s'il vous plaît? Non, ça prêche. Je crois que non. Suivez l'humidité. Merci, madame. Bon, alors la couche de l'ouverture, pas de la couche. On n'ouvre pas les couches, nous. On les ferme à double amour et puis on les met dans les poubelles. On veut pas sentir l'horreur des scaphandres. Donc, je commence avec une introduction narrative. Cracher dans la soupe pour chercher la mouche, faire bondir l'insecte sans biscuit sec, seulement par la salive et la violence de voir flotter le cadavre. Prochain texte. Si la prétention portait un nom, la consonance vibrerait en harmonie avec la surenchère de l'ego qui s'applique de couche en couche sur tes préjugés. Hey, on est dans les couches, sans le savoir, on est dans les couches. Parce qu'on a peinturé le studio des abeilles pendant quelques semaines, puis là, on s'est dit, on va tirer les joints, mon Gaétan, on va tirer les joints. Puis il m'a dit, il n'y a pas de joints à tirer, mais on les tire quand même, on va avoir du plaisir, c'est ça la vie. On a trouvé des joints, puis on les a tirés. Ah, mon douze, moi, j'ai pris noir foncé. Lui, il a pris blanc pâle, mais il n'est pas en contradiction. Hein. Sa femme, il préfère les belles joufflues. Moi, c'est les belles joufflues intellectuelles. Moi, la jouflance n'a pas d'intérêt pour moi. Mais peu importe qu'elle soit joufflue, tirondande, comment? Mais hélas que Dieu ne pardonne, mon cœur n'appartient à personne, mon cœur est étonné. Elle revient se moucher. Oui, c'est vrai. Oh, ça c'est. Oh, attends un peu. Hey, mon cerveau se met en fonction, là. Elle revient se moucher. Je savais que son nez coulait. Je savais qu'elle ne cherchait qu'une épaule pour s'essuyer plus longtemps. Elle revient se moucher. J'ai l'air con de voir ça couler. Il y a un mouchoir dans ma poche qui l'attend. Et voici son petit nez qui descend. Elle revient se moucher. Le succès. Les croisements féconds de tout genre créatif activent l'intérêt des démineurs langagiers. Sous les replis, les ruisseaux ne demandent qu'à s'humidifier devant la naissance d'une œuvre. Il suffit de laisser couler pour remplir le paysage artistique. Le bruit sourd de la nuit que l'on étouffe pour assassiner la noirceur nocturne, pour vérifier si la mort répond bien au cri, jusqu'au jour où, jusqu'à la lumière de la Renaissance. Et ton texte a été mal lu. Est-ce que vous voulez repérer le repérage? Oh. Le bruit sourd de la nuit que l'on étouffe pour assassiner la noirceur nocturne, pour vérifier si la mort répond bien au cri, jusqu'à la lumière de la Renaissance. On ne la refait pas. On n'a pas d'interprète. On n'a pas de comédien. Nous avons fait appel à Jean-Claude Dreyfus et il nous a dit... Allô, je ne peux pas venir à Québec, là. Non. Je fais des pièces de théâtre à Paris. Alors, au revoir et merci. Merci, Jean. Ma morsure Nadine Marie... OK, oui, ça, c'est bon. Ma morsure Nadine n'a rien d'anodin. Artaud présumait le contraire, à trop traire, on distrait, on oublie. Pour le coup, le sang qui gicle montre la monstrueuse cicatrice qui arbore ton corps. Tu trouveras la traversée du désert aussi sec que ma réponse. Non! Je ne veux pas! Non, si un jour je suis père au foyer, devant le foyer, qui fait cuire sa bûche, je dirai non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Les petites princesses. S'il vous plaît, Reynald, pouvez-vous m'épouser? J'aimerais tellement porter la belle robe. Être une princesse pour une soirée, pour une nuit, pour un jour. Arrête la malade, arrête, va te faire soigner, là, deux petites médications, puis au coucher. Pendant deux semaines, et puis sinon, vous venez me consulter après. Si vous avez encore le goût de vous marier, ben on va vous présenter une dame. Quoique, vous pouvez marier la dame également. Mais la dame vous convaincra que l'amour se fait également en dehors du mariage, puisque moi et mes 17 copines, nous vivons en cocu. Ah, je suis très cocu, moi. Moi, je suis cocu deuxième dan. Comme en arts martiaux, les arts martiaux, moi je fais le King Kong Boogie. King Kong Boogie, Mangong King Boobing, Kong King Boobing. Je comprends pas grand chose. Excusez-moi. Culture, empire du nihilisme, de l'assemblage populiste qui ne déroge jamais à l'idée de masse pour rassurer la foule, pour mieux endormir celle-ci. Écolo coco, rase ta conscience et continue de ramasser la pollution du bébé boomer. Nouveau texte, c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier? C'est l'avant-dernier. Mon Dieu, il était inspiré, le Big Riri. Non, c'est l'avant-dernier. Les formes nouvelles valorisent Valérie, qui ne s'interdit aucune courbe. La convention ne modèle pas chez elle la normalité. Elle explose de beauté et ça l'associe à l'enivrement corporel. Les enfants vont bien, madame? Le petit dernier, là? Ah, oh, il y avait la goutte au nez, hein, hier. Je sais pas, là, c'était pendant le psaume 53 de Daniel Darc qui disait, je paraphrase, là, nous sommes tous des... et nous tomberons dans la... si un jour vous voulez... Alors, oui, maman. Et si je traduis en québécois... Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Après la solitude... Non. La solitude, après la solitude, la ritournelle singulière, la poursuite se tourne vers nous. Elle éclaire notre conscience et l'autre qui se cache... qui nous cache la vérité sur notre véritable identité. Et là, j'improvise. Nous pourrions peut-être même l'appeler l'inconscience. C'est beau. Merveilleux. Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, et résidente impudique, bienvenue à l'émission la plus indépendante. Moi, je suis comme Axel Bauer, je suis indépendant. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est commencé depuis 25 minutes et 5 secondes. Ça, c'est de la précision, là. Ajustez vos montres, les mecs, les gonzes. 25 minutes et 19 secondes. À quoi on va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Les errances rénadiennes, complices de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Moi, je connais des extraterrestres, hein. C'est des extraterrestres en carton. Je les ai sortis d'une boîte de céréales. Puis c'est Rénal qui m'a dit, achète des boîtes de céréales avec des extraterrestres à l'intérieur. Ben là, j'ai dit, comment je peux savoir s'il y a des extraterrestres à l'intérieur des boîtes de céréales? Non, c'est pas les boîtes de céréales, c'est Sérénal qui te dit d'acheter des boîtes de céréales. Céréales killer? Ah, mon Dieu. Attention, Facebook, je comprends rien. Aïe, j'ai mal à la P1. J'ai mal à la P1. La P1 me pique. Lave la P1. Frotte la P1. Entre la P1. Sors la P1. Avec moi, c'est la P1. La P1. Attention, mon Dieu. Je vais et je viens avec la P1. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Aujourd'hui, le vendredi 3 octobre 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur et comédien Axel Bauer. Il ne voudrait pas que je dise comédien. Donc, unissons-nous autour du chanteur, auteur-compositeur Axel Bauer. Axel Bauer est un chanteur, compositeur, guitariste et acteur français né le 7 avril à Paris, le 17e. Son père, Frank Bauer, a été batteur pour Django Reinhardt, celui qui joue de la guitare du yuku, du yakadoa. En fait, il y en avait 5, puis il dit « Si je m'en coupe un, je vais pouvoir avoir un don que personne n'aura. » C'est-à-dire jouer plus longtemps dans le manche. Je le manche. Comment ça manche? Ben, il coupe pas de loin. Mais... Et puis, surtout, l'un des l'un des annonceurs de Radio Londres, la voix de France Libre. Oh, c'est incroyable, ça. À l'origine, j'aurais dû trouver... Alors, pourquoi j'ai pas cherché ça sur Internet? À l'origine de la phrase... Les Français parlent aux Français. Je répète, les Français parlent aux Français. Les Québécois, eux. Les Québécois parlent aux Québécois. Les Québécoises aux Québécoises. Les Mazossois avec les Mazossoises. Les Benjinoises avec les Benjinoises, les Indiens avec les Indiennes, les comédiens avec les comédiennes, les chanteurs avec les chanteuses, les frileux avec les frileuses et les parleurs avec les parleuses. Il sort après cela, qu'est-ce que j'ai dit? Axel Bauer est un chanteur né... Il est très tôt attiré par la musique et surtout le rock. Il apprend la guitare à la fin des années 70. J'avais déjà 52 ans, moi, là. Puis, il rencontre Michael Ely, un parolier. Il écrit des chansons avec lui et de cette collaboration naîtra le titre « Cargo de nuit » qui deviendra un véritable tube. Quand je te dis un tube, c'est un gros tube métallique enrobé d'or. Puis là, quand tu fais ça, on te demande tout le temps de faire de l'or. On a une poule en or, on demande des jumeaux en or. On l'a payé. De l'or, c'est de l'or. Demande à Christian de l'or. Et moi, j'ai fait de la mode il y a quelques années. J'ai fait la robe chevalet, hein, celle qui déplie, qui se redéplie. La main peut passer en dessous. Il fait chaud. Mais ça colle à la main. C'est-à-dire que l'homme ou toute autre créature terrestre ou même extraterrestre ou intraterrestre peut glisser sa main pour quand même se faire à l'idée de la forme du modèle. C'est un modèle 1987, sorti l'hiver deux fois, hein? Mais jamais entretenu par... Non. Le tuyau d'échappement est tout à fait propre. C'est inquiétant, docteur. Est-ce que je peux déjà m'introduire dans cette nouveauté? Ouais. C'est qui? C'est le FBI qui arrive là? Non, ah, c'est mes feuilles qui cognent ensemble. Arrêtez-moi ça. Axel Bauer est un chanteur, bon, on le sait. Il apprend, tout le monde le sait, et c'est super. Il apprend la guitare à la fin des années 70. Puis, il rencontre, on l'a dit ça, bon. Il sort après cela les titres Fantasme et Jessie, mais il ne comporte il ne remporte pas le succès du premier titre. Il signe un contrat avec la maison de disques EMI en 87. Il sort un album intitulé « Les Nouveaux Seigneurs » et puis il collabore avec Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone sur le « Allô? C'est le téléphone? Attendez. » Oui, allô? Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi. Allô, on vous parle au téléphone, êtes-vous là? Oui. Bon, vous êtes du groupe Téléphone? Oui. Êtes-vous un téléphone à fil ou un téléphone cellulaire ou un téléphone sans fil? Oui. Oui, oui, vous savez pas, hein? Oui. Oui, alors dites-nous le. Oui. Bon. Le groupe Téléphone, vous connaissez? Oui. Groupe français? Oui. Axel Bauer a travaillé avec mon ami, le leader du groupe. Oui. Vous le saviez, ça, j'espère. Oui. OK. On va vous poser une colle. Écoutiez-vous depuis le début? Oui. Comment s'appelle le leader du groupe Téléphone? Oui. Oui. Non, c'est Jean-Louis Aubert. Il a même entretenu Barbara dans sa dernière phase créative. Il lui a écrit 3 titres. C'est extraordinaire. Sur le disque de celui-ci, d'Axel Bauer, le titre Etnes, la lumière récolte un franc succès. Un désaccord artistique le libère alors de son contrat avec Polydor. Les temps changent et Bauer aussi. Il veut devenir producteur. Pour Peau de serpent, ce nouvel opus, parce que là, on va aller jusqu'en 2013 rapidement, Bauer s'entoure de plumes prestigieuses telles que Marcel Canche, que l'on connaît, Brigitte Fontaine, ça, et Gérard Manset, que aussi Bachung prit quelques titres. Il enregistre un duo avec notre ami Jean-Louis Aubert et s'entoure de jeunes musiciens de la scène électro-rock et réalise l'album à la sortie. Il est salué par les critiques. En 2014, Errance Renadienne était là à Paris pour le rencontrer. La preuve... Ne suis-je qu'un homme de paille entre tes mains et tes humeurs, homme de papier, carbone plié dans ton feuillage. Ne suis-je qu'un épouvantail dans ce jardin sans fleurs, homme sans abri, sans plus d'amis qu'un chien des rues. Ne suis-je pour toi qu'un orfèvre de l'inutile, un style décousu à tes doigts d'argile. Pierre sans lumière. Je cherche ces folles rivières, ces rapides éphémères où j'aimais flotter telle une loutre aux belles manières. Je laisse les alizés, les insolents. Dans ce lit drapé de paille, ne suis-je pour toi qu'un orfèvre de l'inutile, un style décousu à tes doigts d'argile.

la tête haute et les poings serrés, très bien dressés. Mais le jour où on s'est penché, juste pour voir comment c'était, c'est sûr qu'on est bien tombé sans se relever. Les états qui désarment, les sourires qui font mal, on n'ose jamais le dire. Mais oui, personne n'est parfait, on se cache pour pleurer, ne pas se montrer à genoux, essouffler. Mais oui, personne n'est parfait, personne n'est parfait. On avance comme tous les jours, les yeux cernés, le cœur enflé, bien trop fatigué. Mais le jour où on se détache, qu'on se saoule, qu'on reste lâche, ça s'embrouille et ça abîme de ne faire que passer. Du soleil ou de l'ombre, où as-tu mis ton cœur? Est-il caché, perdu, blessé? est-il foutu? Où as-tu mis ton cœur? Tu la regardes sans la voir, t'as l'air bizarre, comme une espagne sans. Personne.

pas de galette. Il faut rester chez moi. On fera nos emplettes, tout décrochez-moi ça. Pour ce qui est de la galvaude, on se coudra sous la peau les images de mode qu'enfilent tous les journaux. Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Aujourd'hui la monnaie, c'est qu'une question de peser. Si t'as 10 francs légers, c'est que tu sais diviser. Faut être régule avec l'État, faut une virgule à cet argent-là. Tu te retrouves, titine, ton bar rempli. Centime, badabadaba, tiens, tiens, badabadaba, tiens, tiens. Tu sois pleine galette, tu sois raide comme moi. Je connais des cachettes. Jusque-là, pour ce qui est des manières, tu pourras t'en remettre à moi. Comme disait ma mère, faut faire avec ce qu'on a. Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco. La misère, on était millionnaire. Le tout c'était s'y faire, vu qu'on venait par terre. Et on te repique du tac au tac. T'avais une brique, t'as plus que 10 sacs. Et tu te retrouves, gégène, comme un gland dans la gêne. Badabadabam, pam pam pam pam, badabadabam pam. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller au bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Envie, lève-toi.

Si nous en trouvons un, toi tu voudras le prendre. Le suspendre à des liens, il faut savoir attendre. Une promesse les rend fous, un mot ils disparaissent. Ils craignent plus que tout d'être tenus en laisse. C'est la chasse à l'instant. Ne rien faire, ne rien essayer. Sur des chemins dessinés par nos corps. On sait qu'ils sont craintifs comme des chiens de prairie. Un mot définitif et les voilà partis. Si nous en trouvons un, toi tu voudras l'avoir. Le soumettre à ta main, lui apprendre à s'asseoir. La possession les tue, un serment les immole. Je voudrais tant que tu ne les vois qu'en plein vol. Ne rien faire. Niggas, I give you a bad case of the fucked up jitters. Once again, get,

trottoir et l'autre qui brise une vitre. Ça forme un angle bizarre, je trouve ça plutôt chic. De savoir si j'ai tort ou raison, je n'ai aucune mémoire, j'oublie toutes les leçons. Mon cœur se brise souvent, ne se répare très vite. Mon corps plus fort qu'avant, dans mon cerveau habite. Vous le croyez, voyez, si je peins une fleur, vous la voyez fanée. c'est bien des blagues. Quand on dit c'est pas pour toi, toutes ces victoires et toutes ces vagues, moi j'y crois pas. Moi je me balade le long des rues et je colle mon nez sur les vitrines qu'elles présentent des filets de morue ou du platine. C'est pour moi les coraux du musée du Louvre. C'est pour moi les boîtes de fruits confits qui s'ouvrent. C'est pour moi les belles filles en robe à longue traîne sur les marches de la Madeleine au mois d'avril. C'est pour moi les gros remorqueurs et les péniches. C'est pour moi les beaux petits gosses et leurs boniches. J'ai tout ça et j'ai toujours le cœur en fête. Car dans les rues comme dans ma tête, tout est à moi. Tout est à moi. Pas pour moi les grosses bagnoles qui étincellent. Pas pour moi les belles filles en robe de dentelle. Mais je m'en fous parce que moi j'ai besoin de personne. Et de l'hiver jusqu'à l'automne, je suis sans un sou. Pas pour moi les beaux châteaux et la vie de palace. Pas pour moi les restaurants de première classe. Ah ça fait rien, moi je mets un cran à ma ceinture. Je garde ma ligne pourvu que ça dure. Ça sera très bien. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi. Chers amis, si... Si je vous... Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.